Bonjour tout le monde, ici Michel Monette pour l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Je vous rappelle que Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne qu'on connaît sous le nom d'Attaque Québec. Demain, les Vénézuéliens choisissent leur président. Nous en discuterons avec le sociologue Pierre Moutarde, qui se trouve en ce moment à Caracas. Enfin, on a un petit peu de difficulté à obtenir la ligne à ce moment-ci. J'espère qu'on va pouvoir l'obtenir. Sinon, je vous causerai de l'élection au Venezuela. Puis, notre chroniqueur Cédric Leterme nous revient en forme pour sa première chronique depuis la Belgique. Il sera question de ce qu'il se passe en Europe, pardon. Mais d'abord, une pièce musicale. Palante mi gente du groupe Sonido de la Frontera. C'était Palante mi gente. Comme je vous le disais en début d'émission, nous avons de la difficulté à joindre Pierre Moutarde au Venezuela. Et vous savez, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous... enfin, il y en est question dans les médias, probablement que vous avez entendu dire que demain, c'est l'élection présidentielle au Venezuela. Et c'est finalement, semble-t-il que Hugo Chavez est en difficulté et donc il risquerait de perdre ses élections. Enfin, il n'est pas certain qu'il va les perdre. Et donc... Bon, on va voir le résultat des élections demain, mais enfin, il y a deux adversaires qui se présentent et on verra là, finalement qui remportera ces élections demain au Venezuela. Je vais donc vous mettre une nouvelle pièce musicale et si je ne parviens toujours pas à joindre Pierre Mouterne, ce qui serait bien dommage. Je vais tout de même vous parler de ces élections au Venezuela qui ont lieu demain, dimanche. Comme par hasard d'ailleurs en passant, demain dimanche c'est la journée internationale contre le travail. C'est la journée internationale pour le travail décent. Alors voilà, on va écouter donc une pièce musicale, Sargento, Remolacha de Puerto Candelaria. Et je vous reviens par la suite. J'ai au bout du fil Pierre Mouterde. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Michel. Ça va bien? Ça va très bien, Caracas, oui. J'ai eu peur un peu qu'on ne puisse pas se parler. Il y avait un petit problème à obtenir la ligne, mais on l'a finalement. Alors, on peut se parler. Oui. Quel temps fait-il à Caracas? Ben, il fait un beau temps, mais un peu orageux. Hein, depuis deux jours, en fait, c'est la saison de la fin des pluies, mais comme le temps est un peu déréglé, il continue à pleuvoir. Ah, et déjà, jeudi, lors du grand rassemblement des partisans de Chavez, il a plu très fort là, pendant presque une heure. Alors que tout le monde était rassemblé pour l'écouter et il a parlé sous la pluie, eh bien, ça risque de se repasser tout à l'heure un peu aussi encore une grosse inverse. C'est peut-être un mauvais présage pour lui. Il semble que le mauvais temps, d'ailleurs, menace Hugo Chavez. Mais si vous le voulez bien, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous traciez un portrait des forces en présence avant de parler plus spécifiquement de Chavez. Oui, ben, en fait, il y a ce qu'on pourrait dire le camp de la droite qui est regroupé autour là, de son candidat Capriles Rodansky, Enrique Capriles Rodansky. Il est le représentant de la table démocratique, qui est un rassemblement des forces de droite il est du jeune, pays. Il est jeune, si j'ai Alors, lui, il est jeune, il a 40 ans. D'ailleurs, on le présente comme ça, comme étant jeune, comme étant maigre et comme étant plein d'avenir. Hein. C'est ça, la presse sensationnaliste, c'est un peu comme ça qu'il le présente. Mais en fait, il faut pas se faire... Il a aussi un discours séduisant et assez... Il se présente comme étant réformiste, comme voyant dans ce qu'a fait Chavez des bonnes choses. Donc, il peut être attirant en cela, mais il faut pas oublier que il est lié par un espèce de pacte qu'il a passé avec les forces de droite et qui s'entendent autour d'un programme néolibéral assez clair. Donc, derrière le discours séduisant, il faut pas oublier le fond, et le fond de son orientation, c'est quand même une orientation néolibérale classique qui cherche à développer les mécanismes du marché et donc à défaire en quelque sorte toutes les interventions que Chavez depuis presque 14 ans, les interventions de l'État que Chavez a essayé de développer. Donc pour Chavez, c'est la continuité si je comprends bien? Alors Chavez, oui, c'est effectivement, il se présente comme le candidat de la continuité, comme développer le projet qu'il a mis en place, un projet qui vise essentiellement à utiliser les profits de la rente pétrolière pour développer des services sociaux et permettre les redistribuer en direction des secteurs populaires, les secteurs les plus défavorisés. Et c'est ce qui explique depuis quand même, ça c'est important, il faut le dire, là au-delà de tout ce qu'on peut penser des résultats de ce scrutin, qui a fait que les taux de pauvreté ont baissé énormément. Ils sont passés de proche de 50% qu'ils étaient en 98 à 27% aujourd'hui, et d'extrême pauvreté aussi ont baissé radicalement. Donc il y a quand même à ce niveau-là, grâce aux missions sociales, les missions dans l'éducation, les missions de santé, les missions de logement, il y a eu une amélioration considérable des conditions de vie des couches populaires. On se demande à ce moment-là pourquoi Chavez est menacé, parce que d'ici on entend dire qu'il est menacé demain. Il y a plusieurs choses. Il faut toujours faire un petit peu la différence entre les discours, entre ce qu'on sent et puis entre la réalité. Alors, au niveau des discours, c'est sûr que ici, les nouvelles qui arrivent au Québec et qui arrivent dans les pays du Nord passent par des grands médias qui sont très liés aux médias de droite du pays, du Venezuela, et donc qui ont tendance à mousser la candidature de Enrique Capriles Radonski et à laisser supposer que Chavez risque d'être battu, ou en tout cas que l'écart entre sa candidature et celle de Capriles est en train de se réduire comme peau de chagrin. Faut pas oublier quand même que tous les sondages, les derniers sondages, la plupart des derniers sondages donnaient quand même 10 à 15% d'avance pour Chavez. Il est vrai avec beaucoup d'indécis, 22% environ d'indécis, donc qui peuvent basculer au dernier moment. Et c'est ce qui explique un peu la tension qui monte, l'espèce de fébrilité qu'on ressent de partout. Parce que effectivement, c'est pas gagné d'avance pour Chavez, et c'est pas gagné d'avance pour Chavez parce que au-delà donc de du jeu médiatique des forces de droite, il y a aussi bien sûr dans le camp Chavez eu un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Il y a l'usure du pouvoir aussi. Il faut pas oublier qu'il est là depuis déjà pratiquement 13 ans et qu'il demande un mandat de 6 ans. Donc ça lui permettrait d'avoir gouverné pendant 19 ans, ce qui est pas rien. Il y a la maladie aussi. Il y a la maladie aussi. Autre facteur important, la maladie. Il a été touché par un cancer assez sévère et puis par une récidive là tout récemment en février 2012. Donc, et on n'a jamais eu, bien sûr, des informations très très précises sur cette ou très rigoureuses sur ce qu'il en est exactement de sa santé. Mais en tout cas, quand on le regarde aller dans les meetings, encore jeudi dernier, il dansait avec la foule sous la pluie et on ne le sent pas du tout fatigué, au moins là où on a, au niveau des apparences. Hein. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui pourrait faire que l'écart entre les deux candidats se réduise. Et à ce moment-là, évidemment, et c'est ce que craignent les partisans de Chavez, c'est que plus l'écart se réduit, plus sa victoire pourrait être contestée. Et plus, à ce moment-là, il pourrait y avoir des dénonciations de fraude et pourrait y avoir des manifestations d'opposition. Donc c'est pour ça qu'il y a comme une sorte de tension assez forte. Et tout dépendra des résultats le soir. Alors c'est probablement 3 heures après la fermeture des bureaux. Ils ferment à 18h le soir, 3 heures après qu'on devrait avoir une première estimation de la part du Conseil national électoral. Est-ce que c'est uniquement à la présidence qu'il y a élection ou s'il y a les députés aussi, parce qu'il a probablement les chambres. Je ne connais pas trop le système parlementaire vénézuélien, mais il a probablement le Parlement derrière lui. Les élections législatives ont eu lieu en 2010. Hein, et il a une relative majorité à l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, en 2012, là, c'est des élections uniquement présidentielles. Hein. En fait, il y avait 7 candidats qui se présentaient, mais les autres n'ont aucune importance, disons, en termes d'enjeux électoraux. Et donc, il y a 2 principaux candidats. Le candidat de la gauche, entre guillemets, de Chavez, là, qui est représentant le Parti Socialiste Unifié du Venezuela, et puis le candidat de la droite, qui représente la table démocratique, là, de la MUD, ce qu'on appelle la MUD, la Mesa d'Unité Démocratique, de Enrique Capriles Rodonsky. Voilà. Et peut-être revenir sur le fait que Chavez connaît une certaine usure du pouvoir. Il n'a pas tout. S'il a réussi des choses intéressantes en termes sociaux, comme je l'ai dit, en termes d'amélioration très nette des conditions de vie des couches populaires ou des secteurs les plus démunis de la société, il reste que il y a certains problèmes qui restent, comme celui notamment de l'insécurité urbaine, de la violence urbaine. Et ça, c'est un problème qu'il n'est pas arrivé à résoudre, même s'il a mis en place une nouvelle police nationale qui est moins corrompue, qui est mieux payée et qui fait mieux son travail. Il reste que cette police a été mise en place il n'y a pas très longtemps, fin 2009, début 2010, et il n'y a pas encore des faits vraiment notoires qui se sont de conséquences nouvelles qui ont apparu depuis, ce qui fait que les problèmes d'insécurité restent encore très très très très forts ici à Caracas. Et donc ça, c'est un des points faibles, hein, de sa gestion. Reste aussi des problèmes d'organisation. Beaucoup des projets ou des promesses qu'il a faites n'ont pas été menées jusqu'au bout, hein, des promesses de construction par exemple de routes ou autre chose comme ça, à cause d'incurie étatique, de problèmes de bureaucratie, d'organisation bureaucratique. Alors tout ça, évidemment, peut peser dans la balance. Excusez-moi, Pierre, est-ce que au Venezuela, les partis, les candidats peuvent dépenser sans compter en publicité, etc., ou si c'est plus contrôlé? Est-ce que c'est comme aux États-Unis? C'est moins contrôlé qu'au Québec et aux États-Unis. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent déclarer les dépenses qu'ils font, mais il n'y a pas de plafond. Ils doivent déclarer ça au Conseil national électoral, qui est un peu l'instance suprême là qui organise les élections. Mais il y a effectivement, ça c'est un problème, que les organismes qui surveillent les élections, parce qu'il y a quand même des organismes étrangers, hein, c'est parce qu'évidemment un des enjeux, c'était est-ce que ces élections vont être transparentes. Semble-t-il, là, les garants, la plupart tous les observateurs ou tous les experts en la matière considèrent qu'effectivement elles seront transparentes. Mais il y a des problèmes encore, comme celui effectivement de la gestion des fonds que chaque parti peut bénéficier, etc., etc., qui n'est pas encore très clair. Bien, écoutez, Pierre Moutarde, on pourrait en parler, en jaser encore, mais hélas, le temps file. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes au Venezuela encore pour quelques jours ou demain? Oui, vous ben, bien sûr, on va suivre les... Parce qu'au fond, le moment qui va être très important, hein, c'est le moment de la déclaration des résultats. Oui. Si l'écart est très faible entre les deux candidats, c'est sûr qu'il va y avoir des contestations. C'est sûr qu'à ce moment-là, la situation pourrait se tendre beaucoup plus qu'actuellement, parce qu'actuellement, faut le rappeler, la campagne électorale s'est très bien passée. Il y a pratiquement eu, malgré tous les enjeux de fond, là, très très importants, hein, parce que c'est comme deux modèles de société qui sont en compétition, hein, un modèle néolibéral d'un côté, puis un modèle beaucoup plus social dans lequel l'État intervient, dans lequel on essaye de développer un secteur public, bon, avec toutes les difficultés qui sont propres au Venezuela et en général à des pays dits du tiers-monde ou du Sud, mais malgré tout... Mais oui, riche, pays riche. Et en même temps, un pays très riche, enfin, qui a des moyens, notamment à cause du pétrole très riche, et c'est ça qui est extraordinaire, ça on ne le dira jamais assez, c'est cette volonté que Chavez a eue d'utiliser les profits du pétrole pour faire que la moitié de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté puisse commencer à en bénéficier. Et ça, c'est vraiment, la quille majeure. Hein, et en ce sens-là, il faut pas l'oublier quand on parle du Venezuela, surtout quand on regarde les choses de l'extérieur. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Moutarde. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de séjour au Venezuela. Eh bien, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Pierre Moutarde depuis Caracas. Je rappelle que Pierre Moutarde est sociologue, qu'il a enseigné la philosophie, qu'il a publié les ouvrages « Quand l'utopie ne désarme pas », les pratiques alternatives de la gauche latino-américaine, repenser l'action politique de gauche, essai sur l'éthique et la politique et l'histoire en 2005, pour une philosophie de l'action et de l'émancipation en 2009. Ce sont trois ouvrages parus aux éditions Éco-Société. Et enfin, en 2011, « La gauche en temps de crise, contre stratégie pour demain », paru aux éditions Libère. Alors, on va faire une très brève pause musicale. C'est « Para Todos Hey » du groupe Barreto. Et après, nous écouterons l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Je vous dis à tout de suite. Voilà, c'était très bref, mais ça me permet de vous mentionner que cette pièce, et la première que vous avez entendue, fait partie d'une compilation qui s'appelle Latino Resiste, volume 1, et que cette compilation, elle est tout à fait gratuite, et elle est disponible donc à l'adresse que nous allons mettre sur notre blog un peu plus tard dans la journée. Donc vous pourrez avoir accès à cette pièce, Para Todos Hey de Barreto, ainsi que Palente Mi Gente de Sonido de la Frontera, et Sargento Remolacha aussi de Puerto Candelaria. Alors, on va maintenant écouter l'éditorial de Claude Vaillancourt. Son éditorial porte sur la Commission Charbonneau. On écoute Claude Vaillancourt. La Commission Charbonneau nous étonne déjà par l'ampleur de ses révélations. Et ça fait que commencer. On l'a attendu deux bonnes années, cette commission. On l'a arrachée de force aux libéraux qui ont tout fait pour la retarder. Il faut espérer que les révélations de la Commission vont engendrer de fortes réactions qui vont permettre de purifier pendant une certaine période nos mœurs politiques. J'ai bien dit « pendant une certaine période », Il semblerait que la corruption a quelque chose de cyclique. Après un ménage bien fait, voilà qu'elle se réinstalle progressivement et que tout est à recommencer. On coupe la mauvaise herbe dans le jardin, mais comment éviter que celle-ci repousse ailleurs? Ce qu'il faut dire, c'est que notre système économique, que les choix économiques que nos élites ont faits, ont favorisé une institutionnalisation de la corruption. Lui ont donné des canaux qui la rendent incontrôlable et qui lui permettent sans cesse de prospérer. D'abord, l'expansion des paradis fiscaux, surtout depuis les années 1980, permet à la criminalité de se mettre à l'heure de la mondialisation, de s'internationaliser plus facilement que jamais. Les paradis fiscaux recyclent l'argent sale, permettent de commettre en toute sécurité des montages financiers les plus louches et surtout créent une confusion totale entre l'économie criminelle et les affaires légitimes. Ainsi, on peut passer du crime pur au financement d'un parti politique sans que soit retraçable la barrière entre le légal et l'illégal. Mais la lutte contre les paradis fiscaux ne fait pas partie des préoccupations d'aucun gouvernement, à ce que je sache. Ensuite, les privatisations, les coupes dans la fonction publique, les PPP, le recours systématique aux appels d'offres empêchent de développer au sein de nos fonctionnaires une expertise qui permet d'évaluer les besoins et de conclure des contrats avantageux. Les contrats publics deviennent parfois très techniques d'un point de vue scientifique ou très complexes d'un point de vue juridique. Un contrat en PPP peut faire des milliers de pages. Une fonction publique privée d'experts, d'ingénieurs, de juristes qualifiés devient la proie de tous les profiteurs. Comme de nombreuses expériences l'ont montré, et comme la commission Charbonneau nous le révélera sûrement encore. Des coupes sauvages de personnel, comme le gouvernement fédéral est en train de le faire, font des ravages et ouvrent tout grand la porte aux corrupteurs. Le problème, c'est que ces coupes sont faites souvent davantage par choix idéologique que par nécessité. Voilà pourquoi la CAQ n'est pas crédible quand elle se présente contre le parti qui va faire le ménage. La CAQ est d'abord viscéralement liée au patronat et à ses besoins, justement, donc, à ceux qui demandent au gouvernement des contrats publics et qui ont d'énormes intérêts à les obtenir. En coupant dans la fonction publique, comme le souhaite la CAQ, nous n'aurons pas l'expertise qui permet de bien évaluer les appels d'offres. Par son projet même, donc, la CAQ met de l'avant un système qui encourage la corruption. Souhaitons malgré tout à la commission Charbonneau qu'elle puisse effectivement corriger les vices du système qui sont considérables. Mais il faut aller plus loin, remettre en question des choix économiques néolibéraux qui sont les sources mêmes de la corruption qui peut parfois sembler perpétuelle. CKRL 89.1, Québec. Ne manquez pas le mercredi 10 octobre à 19h30 au Musée de l'Amérique française, la conférence sur le printemps arabe, défis géopolitiques et promesses démocratiques. Présentée par M. Sami Aoun, professeur spécialiste du Moyen-Orient, et sous la présidence d'honneur de M. Amin Melika, consul général d'Égypte. 20$ étudiant, 30$ général ou 2 billets pour 50$. Réservation au 418-558-0066. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Le dimanche de 13h à 14h30, CKRL vous invite à faire un détour par Les Routes Enchantées. Cette émission est une présentation de la librairie La Fée Enchantée, spécialisée en santé au naturel, spiritualité et écologie. Dans une atmosphère calme et sereine, vous y retrouverez livres, thé, pierres, cristaux, encens, tarots, en plus de la musique Nouvel Âge, de méditation et de relaxation. Partagez un moment de détente au 770 rue Saint-Jean et venez découvrir ou redécouvrir La Fée Enchantée. 522-1234. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Quécalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Quécalor, tous les samedis 14h. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tape tournante et ampli des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 88-559-0875, avidjam.com. Même là, tu cherches jusqu'au fin fond de mon cœur, dans les raccoins les plus oubliés, pour trouver une partie de moi qui aurait pu peut-être chercha une éternité. Alors, j'ai Cédric le terme au bout du fil. Bonjour Cédric, ça va bien? Oui, bonjour Michel, ça va très bien, oui. Oui, passé un bel été? Assez beau, oui. Oui? Dans l'ensemble, ça allait. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu, comme nous avons eu ici au Québec, une période électorale, je crois, en Belgique. Ça a été plutôt tranquille. Non. Nous, on en sortait. Là, on vient à peine de former un gouvernement. Donc, on espère qu'on ne va pas retourner aux urnes trop vite quand même. Oui, c'est un petit peu... C'est assez abracadabra, ce qui se passe en Belgique. Enfin, on pourrait peut-être... Toujours assez rock'n'roll, oui. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui pour le retour de votre chronique Europe? Eh bien, écoute, moi, je pensais vous faire un petit récapitulatif, en fait, de la situation ici en Europe, puisque, on s'est quand même quitté il y a plus de deux mois, au mois de juin, si mes souvenirs sont exacts, et forcément, pendant ce temps-là, il se passe quand même pas mal de choses. La crise qu'on traverse ici a évolué, même si, globalement, ses fondamentaux sont restés les mêmes, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, au niveau des fondamentaux, à court terme, on reste en Europe, et comme un peu partout, mais c'est particulièrement aigu en Europe, on reste en proie à une stratégie d'austérité qui est généralisée, et qui malheureusement aggrave plus le problème que ce qu'elle ne le résout, quoi. C'est-à-dire que et c'est assez clair, hein, quand on regarde, les États s'imposent ils imposent à leur population plutôt, parce que tout le monde n'est pas affecté de la même manière, et donc ils imposent à leur population des sacrifices tellement grands pour essayer de revenir à l'équilibre budgétaire que la récession, voire la dépression, hein, dans certains pays comme en Grèce ou en Espagne, on peut vraiment parler de dépression. Donc la récession et la dépression qui s'ensuit, elle rend finalement ces objectifs impossibles, parce qu'évidemment les rentrées fiscales diminuent, par contre les paiements augmentent, hein, il faut payer les gens qui sont au chômage, il y en a de plus en plus, et en plus, comme la dette est exprimée en fonction du PIB, quand le PIB recule, mécaniquement la proportion de la dette par rapport au PIB augmente, donc tout ça rend cette stratégie-là absolument intenable, et c'est évidemment très clair pour les pays qui bénéficient de l'aide, entre guillemets, de la troïka. Donc pour rappel, c'est un triptyque de constitué par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission. Donc c'est ces trois institutions-là qui prêtent aux États en Europe qui n'arrivent plus à se financer directement sur les marchés parce que les taux sont prohibitifs. Donc c'est le cas d'Irlande, c'est le cas du Portugal et c'est le cas de la Grèce qui sont aidés depuis maintenant deux ou trois ans. De nouveau, hein, aidés, il faut bien le mettre entre guillemets. Et ces pays-là s'enfoncent dans une dépression monumentale. Leur dette n'arrête pas d'augmenter. Donc on voit bien, là il n'y a même pas aucune discussion possible. On voit bien que cette stratégie-là ne fonctionne tout simplement pas. Alors c'est très clair pour ces pays-là. Mais la tendance est la même partout dans les autres pays, même ceux qui ne sont pas obligés de suivre des cures aussi drastiques, mais qui se les imposent quand même parce que l'idéologie est la même partout. Et donc on a des pays comme l'Allemagne qui sont brandis en exemple, mais qui fait face à un ralentissement de son économie aussi pour exactement les mêmes raisons. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de très original par rapport à ce qui s'est passé quand on s'est quitté en juin, malheureusement. Qu'est-ce qui a évolué alors ? Alors, qu'est-ce qui a évolué ? Il y a quand même des petites choses qui se sont produites. Donc, à côté de ça, hein, j'avais quand même expliqué dans des chroniques précédentes qu'il y avait des mécanismes qui faisaient qu'en Europe, l'endettement auquel font face les États, et qui sont finalement, c'est un problème qui est commun à l'ensemble de l'économie occidentale, c'est pas seulement l'Europe qui fait ce problème. problème-là. Le Japon a une dette colossale qui est plus de 200% de son PIB, les États-Unis aussi, là, on va probablement en entendre parler très bientôt. Ce qui fait qu'en Europe, l'endettement a pris une tournure si problématique, c'est que, en fait, il y a eu décision de soumettre les finances publiques en Europe au contrôle des marchés financiers. Et on a déjà expliqué, un des principaux mécanismes par lesquels on a fait ça, c'est d'empêcher en fait à la Banque Centrale Européenne, donc la banque qui crée l'euro, de prêter directement aux États. Et donc les États sont obligés de se financer uniquement sur les marchés financiers, et donc quand il y a un emballement spéculatif, comme ça a été le cas en Grèce, comme ça a été le cas en Espagne et en Italie, quand les taux augmentent tout d'un coup parce que les marchés n'y croient plus, donc commencent à spéculer à la baisse, ben ces États-là se retrouvent au bord du gouffre très très vite, puisque les taux deviennent prohibitifs, quoi. Tandis que dans les pays comme aux États-Unis ou en Angleterre ou au Japon, ben la banque centrale, qui est une institution normalement publique, prête directement aux États, et donc ça permet en fait d'empêcher ces emballements-là, puisque les spéculateurs savent bien que s'ils vont trop loin, la banque intervient, donc ça ne sert à rien de spéculer, quoi. Alors sur ce point-là, il y a eu des évolutions en Europe, puisque la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle s'engageait maintenant à acheter de la dette des États en difficulté de façon illimitée. Alors ça a été présenté comme une grande victoire et ça a effectivement permis de calmer un peu les taux. Par contre, il y a quand même des sérieux bémols, puisque de un, elle ne prête pas directement aux États, elle achète cette dette-là sur le marché secondaire, ce qu'on appelle. Donc elle rachète finalement la dette aux institutions financières qui l'avaient achetée à l'origine et qui veulent s'en débarrasser. Donc ça, c'est une première chose. Mais en plus, elle ne le fait que si les États acceptent de s'imposer des cures d'austérité. Donc on voit ici que, en fait, cette pseudo-solution nous ramène au premier problème, qui est que cette stratégie d'austérité ne marche tout simplement pas. Donc à ce niveau-là, l'évolution n'est pas si chouette que ça, quoi. Tu nous avais parlé de la différence de traitement entre les banques et les États. Est-ce que les banques continuent d'être aussi bien traitées? Oui. Alors ici, il y a eu quelques évolutions, hein, donc même si globalement on peut dire qu'elles restent extrêmement favorisées par rapport aux États. Hein. Pour rappel, effectivement, les banques, elles peuvent emprunter à la Banque Centrale Européenne directement, puisque c'est une des fonctions normales aussi des banques centrales, c'est de prêter aux banques quand celles-ci ne sont plus confiantes, donc elles ne se prêtent plus entre elles. Et la Banque Centrale Européenne a notamment fait deux programmes où elle a proposé de prêter aux banques 2 fois 500 milliards d'euros, donc c'est des sommes absolument énormes, à un taux de 1%, alors que les États, eux, quand ils réempruntent à ces mêmes banques, eh bien, ils doivent s'acquitter de taux de 5, 6, 7% dans les cas les plus extrêmes. Donc là, on voit, et évidemment, cet argent-là est proposé aux banques sans la moindre contrepartie, donc ça tranche forcément avec l'austérité drastique et catastrophique qui est réclamée des États. Alors, le problème, c'est que ça, évidemment, ça passe de moins en moins au sein de la population, d'autant plus que ça n'empêche pas ces mêmes banques d'être surendettées elles-mêmes, hein, parce qu'on parle beaucoup des dettes publiques, mais les dettes privées, notamment les dettes des banques, sont colossales aussi, elles n'arrivent pas à les résorber, elles font toujours face aux conséquences de la crise des subprimes, donc ça reste un gros, gros problème, et donc les États doivent de nouveau intervenir. L'Espagne a dû notamment intervenir pour sauver son système bancaire, et elle se retrouve elle-même surendettée pour aider son système bancaire qui est surendetté, donc c'est une situation qui est assez inextricable. Et donc face à ça, évidemment, l'Europe a commencé à ressembler un petit peu à rien, donc on a décidé de proposer un projet d'union bancaire comme solution à ce problème de l'endettement des banques, c'est-à-dire de créer une union bancaire au niveau européen qui permettrait en fait aux banques qui vont bien de payer pour l'éventuel sauvetage ou renflouement des banques qui vont mal. Donc ça permettrait aux États d'arrêter de renflouer les banques indéfiniment. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est de confier la surveillance des banques à la Banque Centrale Européenne et non plus aux régulateurs nationaux, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de corruption, hein, où les régulateurs nationaux étaient extrêmement bienveillants envers leurs propres banques, et ce qui a mené à des situations catastrophiques dans beaucoup d'États. Alors le problème ici, c'est que c'est toujours bien joli sur papier ce qu'on nous propose, mais dans l'application c'est autre chose. Et le problème dans ce cas-ci, c'est que l'Allemagne, notamment, n'est absolument pas emballée à ce qu'on vienne mettre dans ses affaires, dans ses banques, etc. C'est pas la seule. Il y a d'autres pays qui refusent catégoriquement cette union bancaire. Donc, non seulement qu'on vienne regarder ce qu'ils font, mais en plus de voir éventuellement que leurs propres banques doivent payer pour les autres. Et donc, le système bancaire européen continue d'être la source de beaucoup de problèmes. Et on voit pas très bien comment cette solution-là, qui est présentée de nouveau hein, comme une façon de résoudre le problème de la dette, mais au niveau privé cette fois, mais comment cette solution-là va être mise en place, puisque des pays comme l'Allemagne s'y refusent, ce qui est un peu gros quand on voit ce que l'Allemagne exige de la part des autres pays. C'est ça, un autre sujet encore. Oui, enfin, on ne s'embarquera pas là-dedans. Il y a des problèmes constitutionnels aussi, si j'ai bien compris, en Allemagne. Là. On entend aussi beaucoup parler de réformes structurelles. De quoi s'agit-il, au juste? Alors les réformes structurelles, c'est l'autre volet de la stratégie européenne, hein, à côté de l'austérité, c'est présenté comme la solution à long terme en fait. Donc l'austérité, ce serait la solution à court terme, où il faut faire face à un endettement qui est monstrueux, un emballement des marchés, et donc la seule façon c'est de s'imposer une cure d'austérité, mais à long terme, pour retrouver la croissance, il faudrait eh bien en fait avoir recours à ces fameuses réformes structurelles qui sont assez connues, parce que c'est les mêmes qui ont été prônées dans les pays du Sud au moment de la crise de la dette dans les années 80 et 90. Et donc ces réformes-là sont, bon, elles se basent essentiellement sur une pression à la baisse sur les salaires, sur une flexibilisation des conditions de travail, etc., etc. Et donc de nous rendre plus compétitifs au niveau de l'économie mondiale. Alors le problème, de nouveau, on en a déjà parlé, mais c'est toujours pareil, le problème de ce genre de stratégie-là, c'est que si tout le monde le fait en même temps, ça aboutit évidemment à une course vers le bas en termes de salaire et de conditions de travail. Et on ne peut pas tous se calquer sur les conditions de travail des Chinois, c'est tout simplement pas possible, surtout si tout le monde le fait. Tout le monde ne peut pas exporter ou être exportateur net en même temps. Donc c'est une solution qui n'est pas envisageable, qui ne peut de toute façon pas marcher et qui en plus a des conséquences évidemment sociales catastrophiques. Donc là, c'est de nouveau un gros problème, et voilà à peu près où on en est au niveau européen. Hein. C'est-à-dire que même les tenants d'une certaine relance et croissance, etc., misent sur ces solutions-là qui peuvent tout simplement pas marcher si tout le monde les applique en même temps. Oui, avant de poursuivre ta chronique, votre chronique, Cédric, on va faire une brève pause musicale. On écoute une chanson qui s'appelle Le Boss de Fenouil et les Fines Herbes. À tout de suite. Se motiver afin d'aller gratter tous les matins, se réveiller, le bus ne pas le rater. Moi quand je monte dans cet omnibus pour les que mes yeux et moi on est super fatigué, je rêve encore à tout, à rien, j'oublie mon corps et ce putain de quotidien. J'observe autour de moi des tronches de cadavres emballés sous cache-nez et sous imperméable. Alors je pars dans mes pensées, j'ai fouillé ma mémoire quand j'étais gosse. Putain, je prenais pas ce bus ringard, je ne disais pas putain d'ailleurs. J'étais bien élevé et courageux encore, je rentrais à pied. Maintenant tous les soirs je me tape le cafard dans l'espace confiné d'un bus se plaint à craquer. Les gens ne se parlent plus, y'a plus de lueur dans leur regard. Ils rentrent du chagrin se coucher très tard, moi aussi je rentre du gratin. Depuis peu je me suis mis au turbin, mais moi j'ai pas allé me coucher. Je refuse le quotidien, et puis tiens, j'irai pas gratter demain. Voilà, c'était le groupe Fenouil et les Fines Herbes dans une pièce qui s'intitule Le Bus. Alors, Cédric, vous nous avez dressé un tableau assez sombre de la situation en Europe tantôt. Sous fond d'austérité et de réformes structurelles, tous ne doivent pas adhérer à ces mesures. Il y a des oppositions. Non, bien sûr. Hein, bon, disons que d'un point de vue, bon, il faut distinguer après ce qui se passe sur la scène politique au sens strict, c'est-à-dire au niveau des partis élus, etc., et ce qui se passe dans la rue. Du point de vue de la scène strictement politique, donc au niveau des partis, il y a en fait deux grands camps qui se dessinent en Europe, mais les oppositions qui se dessinent à la stratégie d'austérité qui est portée par l'Allemagne, ça consiste surtout à demander plus de temps pour mener ce désendettement-là, sans pour autant remettre en cause la stratégie globale qui est de dire il faut payer la dette et donc il faut s'imposer de l'austérité et à terme des réformes structurelles pour retrouver la croissance une fois qu'on aura remboursé la dette. Donc ça, il y a assez peu de partis qui les remettent en cause. Donc cette ligne-là, c'est qu'on appelle la ligne de la relance, hein, qui dit bon, il faut essayer de différer un peu le désendettement et surtout privilégier la relance, et une fois que ce sera reparti, on pourra rembourser. C'est un peu la ligne qui est incarnée par le nouveau président français, François Hollande, qui en avait d'ailleurs fait un thème de campagne, hein, où il se présentait comme en opposition avec Merkel. Mais le problème, c'est que bon, déjà sa position était assez mitigée à François Hollande durant la campagne, et ici, depuis qu'il est élu, il semble se rapprocher de plus en plus de la ligne dure incarnée par Angela Merkel, la chancelière allemande. Donc on voit qu'il y a assez peu de marge en fait à ce niveau-là. Ceci dit, il faut rappeler que les élections fédérales en Allemagne, elles ont lieu l'année prochaine, en 2013, et la réélection d'Angela Merkel est très loin d'être assurée si on regarde les résultats qui ont été obtenus par son parti, notamment aux dernières élections locales où il s'est pris une défaite historique. Donc, éventuellement, s'il y a un changement de majorité en Allemagne, ça pourrait bouger, même si les équilibres généraux aussi sont assez proches, finalement, quand on regarde leur position par rapport à la nécessité de rembourser, par rapport à la nécessité d'avoir de l'austérité, d'adhérer au type de réformes structurelles qui sont proposées. Les oppositions sont très... Ceci dit, ça pourrait d'autant plus bouger, et là, il y a des phénomènes qui sont plus intéressants, c'est que partout en Europe, on assiste à la montée en puissance de partis qui remettent beaucoup plus radicalement en cause la stratégie qui est poursuivie. Alors malheureusement, dans les médias, on nous les présente comme une opposition de deux extrêmes, c'est-à-dire extrême droite et extrême gauche, et on fait équivaloir finalement ces deux positions-là en les taxant d'extrêmes, de populistes, ce qui est franchement démagogique. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que différents partis, dont le parti Syriza en Grèce, qui est un parti de gauche radicale, le Front de Gauche en France aussi, et le Parti Socialiste aux Pays-Bas ont engendré des résultats aux dernières élections dans ces trois pays-là qui étaient très bons, qui ont été des grosses surprises en tout cas à chaque fois dans les différents scrutins concernés, et ils défendent tous plus ou moins le même genre de programme où là on remet vraiment en cause la nécessité de rembourser. Est-ce qu'on est vraiment redevable de cette dette-là? Comment est-ce qu'elle a été adoptée? Et est-ce que cette dette-là est vraiment un droit aussi sacré à partir du moment où ça implique de couper dans des dépenses sociales qui sont considérées comme des droits et de porter atteinte finalement à des droits fondamentaux, puisqu'on en est vraiment là. Donc là, à cet égard-là, il faut voir si cette logique-là va continuer, mais il y a en tout cas une dynamique intéressante. Oui, on en vient à la dette indigne dont nous parlait Dominique Plion un peu plus tôt cette saison-ci. Tout à fait. Et dans la rue, comment ça se passe? Alors dans la rue, ça commence à chauffer nettement plus. Hein. Évidemment, il y a une grosse réaction de rejet, en particulier dans les pays qui sont les plus touchés par l'austérité. Et on les comprend. Là, on compte plus les manifestations qui regroupent des centaines de milliers de personnes dans les rues, voire à près d'un million au Portugal. Donc rien que ces derniers jours-là, il y a eu des affrontements assez durs en Espagne suite à une manifestation qui est organisée par plusieurs mouvements d'indignés qui avaient appelé à reprendre symboliquement le Congrès. Donc ils s'étaient occupés le Congrès essayer de dénoncer finalement la mainmise de la finance sur leur démocratie. Ça a donné lieu malheureusement à des affrontements très violents et à plusieurs blessés. Idem en Grèce, hein, où suite à l'adoption d'un nouveau paquet de mesures d'austérité, on ne les compte plus non plus, il y a eu de nouveau évidemment des gros affrontements avec la police et de nouveau des centaines de milliers de personnes dans les rues. Au Portugal, le mois dernier, c'était près d'un million, comme je l'ai dit. Et eux, ils ont réussi par contre à gagner entre guillemets, puisqu'il y a d'autres mesures qui ont été adoptées. Mais en tout cas, il y avait une mesure qui a vraiment suscité beaucoup de colère, c'était de diminuer les cotisations patronales pour essayer de relancer l'économie. Et ils ont réussi à faire retirer cette mesure-là. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau de cette réaction de rejet en masse, on assiste de plus en plus à des affrontements qui sont très violents et massifs. Mais on assiste aussi à d'autres formes de militantisme. Alors en Grèce, par exemple, on a des employés des compagnies d'électricité publique qui sont chargés de couper le courant chez des foyers qui sont en retard de paiement, qui soit refusent de le faire, soit viennent rétablir le courant pendant la nuit après. Et c'est un mouvement qui se développe de plus en plus. Et alors généralement, ils laissent un autocollant sur le boîtier qui permet de dédouaner l'occupant si jamais il a des problèmes, mais qui appelle aussi les gens à se mobiliser eux-mêmes. Alors c'est intéressant parce que cette initiative-là, non seulement elle se développe en Grèce, mais elle a aussi fait des adeptes en France, par exemple, où c'est un groupe qui s'appelle les Robins des Bois, je pense, qui fait pareil, qui donc vient rebrancher le courant chez les gens. En Grèce, on a aussi des gens qui refusent de payer leurs impôts maintenant, et c'est aussi un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur en disant c'est pas à nous de rembourser cette dette-là, donc on ne paiera pas pour ça. En Andalousie aussi, on a un maire assez radical qui est connu. C'est un petit village d'Andalousie qui s'appelle Marina Leda. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est un peu un village utopiste, hein, où ils ont réussi à faire pas mal de choses, des réoccupations de terres, etc., et qui a un taux de chômage de 3% par rapport aux 25% officiels du pays. C'est pas mal. Et lui, il organisait des raids, en fait, dans les supermarchés. Donc, il pille les supermarchés, puis il redistribue après ce qu'il a gagné aux pauvres, aux gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc on assiste comme ça, on pourrait multiplier les exemples, mais on assiste de plus en plus à un développement de différentes solidarités, d'actions directes qui cherchent en fait à court-circuiter les schémas d'intervention et d'assistance qui sont traditionnellement assurés par l'État et que celui-ci n'assure tout simplement plus. Donc on imagine que là, si ce type de mouvement-là se généralise, ben, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Oui, effectivement. Très brièvement, parce que le temps file, est-ce qu'il y a aussi des actions menées au niveau européen où les décisions les plus importantes semblent se prendre, mais vraiment rapidement? Malheureusement, c'est beaucoup plus mitigé parce qu'il y a évidemment une asymétrie, et là on se rend vraiment compte que c'est un gros problème, hein, une grosse asymétrie entre la constitution de l'union économique et politique. Et malheureusement, au niveau politique, les décisions et les protestations et les oppositions ont vraiment beaucoup de mal à se faire sur le terrain européen. Ça reste beaucoup au niveau de la scène nationale. et on essaie donc d'influencer sur son propre gouvernement, mais une fois qu'il est au niveau européen, il n'y a quasiment personne qui a de contrôle sur ce qu'ils font, et donc ça laisse une place énorme à la technocratie européenne. Donc malheureusement, les gens qui espèrent sortir de la crise par le plus d'Europe, et il y a une partie de la gauche qui réclame ça en disant il faut fédéraliser plus pour s'en sortir, ben, ils se heurtent évidemment à ce mur-là, hein, ce mur du déficit démocratique, comme ils l'appellent assez pudiquement, mais c'est vraiment un gouffre, quoi. Et donc là, il faudra s'en occuper aussi à un moment donné ou à un autre. Oui, c'est ça. Il faudra qu'il y ait des gens qui se parlent et qui se concertent à gauche et dans les tout mouvements. À fait, ouais. Bien, merci tout beaucoup. À fait. Merci beaucoup, Cédric, pour cette chronique fort intéressante. C'est un point de vue de l'Europe qui nous change de celui qu'on voit dans les médias traditionnels ici au Québec. Et on va se reparler dans un mois. Voilà, d'accord, dans un mois. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était donc Cédric Leterme qui nous faisait sa chronique à partir de la Belgique. On va poursuivre avec une pièce musicale qui s'appelle « Et puis après » du groupe As de Trèfle. Au pied des sémaphores, des ombres byzantines, le bouc et l'églantine, bien avant le naufrage, se méfier de l'eau qui dort, paisible à l'ombre des rivages, qui donne de nitroglycérine, serré comme des sardines, ou des oiseaux en cage, dans la cour des mirages, au fond d'un corridor rempli d'une heure de mutine et d'une armée de croque-morts, pour plus vite que la chevrotine. Puis après, on verra bien. Et puis après, on verra. Sur mon porte-bagages, faire comme un matador, dire oui mais ivre mort, et sonner matine, le grand tourbillonnage de mes douleurs intestines. Prends bien garde à l'atterrissage. Et puis après, on verra bien. Et puis après, on verra bien. Et puis après on verra bien. Et puis après on verra. C'était le groupe As de Trèfle avec la chanson « Et puis après ». Je vous rappelle que cette semaine, c'est le Sommet international des coopératives du 8 au 11 octobre. Nous en avions parlé lors de notre première émission de la saison. Nous recevions Mme Marie-Joëlle Brassard, directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Vous pouvez réécouter cette entrevue sur notre blog legraindesableqc.org. Il y a aussi le 10 octobre une action pour la Journée mondiale contre la peine de mort. Ça se passe au 2700 Boulevard Laurier à Québec. C'est organisé par Amnesty International Université Laval. Ça se passe aussi au Musée d'art contemporain sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, 185 à 12h30. À l'Université de Montréal, ça se passe aussi à Rivière-du-Loup, à Rouyn-Noranda. Nous allons mettre deux liens pour que vous sachiez à quels endroits ça se passe et à quelle heure. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur l'émission Le Grain de Sable sont disponibles sur le site de CKRL 89.1.